À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, les rassemblements commémoratifs, expositions de livres et de photos et séances de films ont eu lieu du 3 au 6 courant dans divers pays comme Suisse, Autriche, Myanmar, Malaisie et Mexique. Y étaient exposées les photos sur les activités révolutionnaires du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un. Il y avait également les œuvres classiques des grands hommes de San, les livres et photos montrant la lutte des militaires et civils coréens pour l'édification d'une puissance socialiste. Aux séances de films, on a projeté le documentaire coréen comme Palais des sciences et techniques. Les orateurs ont dit que grâce à la direction éminente et chevronnée du président Kim Il-sung et de son excellence M. Kim Jong-il, la Corée a pu devenir un pays authentique du peuple et une puissance invincible de l'indépendance. Ils ont réaffirmé que la République populaire démocratique de Corée, ayant à sa tête son excellence M. Kim Jong-un, obtiendra de plus grands succès dans la lutte pour la victoire finale. Aux cérémonies tenues en Suisse et en Autriche, les participants ont adopté les messages de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.